Fabienne, c'est une fille qui avait l'habitude de se tenir sur la rue Notre-Dame-des-Anges. Puis à un moment donné, ben, elle n'est pas montée dans le bon char. À tous les printemps, quand la Saint-Charles dégèle, on créerait bien la voir. Thank you.